19h passé de 31 petites minutes. D'ici une demi-heure, ce sera RVU pour l'émission Remember of Past. Mais pour l'instant, voici la suite du mix de Dawn, enregistré samedi dernier. C'était la semaine dernière. Avec, écoutez, du très bon son. Ce sera dans les prochaines minutes, les prochaines secondes. D'ailleurs, ça arrive tout de suite. Bonne soirée avec Galaxy Live. With Galaxy. Music remains on top. Galaxy Live. Galaxy Live. Galaxy Live. votre rendez-vous du mardi et mercredi soir sur la fréquence de Galaxy, 19h30, 20h pour trouver l'ambiance de votre week-end. Là, c'était la deuxième partie du mix de Dawn, enregistré samedi dernier à l'Escape Concept. La troisième et dernière partie aura lieu la semaine prochaine, donc comme d'habitude, mardi, 19h30, 20h et mercredi.